je cours après mes rêves. Je n'arrive plus à dormir, faudrait arrêter le temps. Routine et problème, on garde les bons souvenirs, les petits et devenus grands. Je cours, j'essaie d'attraper le temps. Suffit. Le soir je rentre, je suis en fifi. Dans le bloc j'ai l'impression d'être suivi. Je vois cette maman avec son enfant qui s'en sort pas pour payer le loyer. Elle galère, puis ses 16 ans dans l'amour, elle s'est noyée. Et son mec il a lâché, elle reste forte, elle voulait deux rôles. Lui c'est plus, il est perdu, il traîne tout seul, il est dehors. Je vois ce petit qui n'a pas de papa, les réveils sont durs, je le vois à ses yeux. Il rigole même quand ça va pas, une étoile dans le ciel c'est un proche aux yeux. Ouh, je vois les petits dehors qui pour faire parler les gens. Qui s'en sort pas, pas de love, pas de peur, ta vie a fini par se faire endoctriner. Avant de la drogue à traîner, il t'a sali par amour, c'est qu'il voulait être aimé. Je cours après mes rêves, j'arrive plus à dormir, faudrait arrêter le temps. Dans l'alcool, les soucis, le quartier, les allers-retours en tôle. Je vois ces gens inhumains, les vrais, je les compte d'une main. Tu vois leur jalousie quand ils te disent à demain. Je vois que c'était mieux avant, faudrait remonter le temps. Je vois ces gens pleines manières, je me dis que c'était mieux hier. Et je vois cette belle femme qui veut faire payer son charme parce que la vie vaut cher en attendant le prêt charme. Je vois cette mère qui a pleuré des larmes parce qu'elle a vu que son fils sous son lit a caché des armes. Faut qu'elle trouve un moyen pour éviter le drame. Et au jugement c'est souvent elle que l'on blâme. Je vois ce poteau qui veut faire sa connerie. Je raisonne, je le raisonne, je lui dis ne prends pas de risque. Prends pas de risque, prends pas de risque. Je cours après mes rêves.